Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, vous qui nous suivez partout dans le monde, dans le cadre de l'émission que dit la Bible. Le thème de notre émission de ce jour, que dit la Bible du fait de boire de l'alcool ou du vin. À la question que dit la Bible du fait de boire l'alcool ou du vin, nous allons tirer les enseignements selon les passages bibliques, car notre émission, l'intitulé de notre émission, est basée sur la lumière que nous donnent les Écritures sur certaines questions des foi chrétiennes. Plusieurs versets encouragent les gens à se tenir éloignés de l'alcool. Nous allons en citer quelques. Lévitique chapitre 10, verset 9. Nombre chapitre 6, verset 3. Deutéronome chapitre 14, verset 26. Deutéronome chapitre 29, verset 6. Juges chapitre 13, verset 4 à 7 et verset 14. 1 Samuel, chapitre 1, verset 15. Proverbe 20, verset 1. Proverbe chapitre 31, verset 4 à 6. Ésaïe, chapitre 5, verset 11 à 22. Ésaïe, chapitre 24, verset 9. Ésaïe, chapitre 28, verset 7. Ésaïe chapitre 29 verset 9. Ésaïe chapitre 56 verset 12. Michée chapitre 2 verset 11 et Luc chapitre 1 verset 15. Bien-aimés, cependant les Écritures saintes n'interdisent pas nécessairement à un chrétien de boire de la bière, de vin ou une autre boisson contenant de l'alcool. On demande aux chrétiens d'éviter l'ivresse. Éphésiens chapitre 5 verset 18. Nous allons lire à la lumière de la parole de Dieu que nous dit Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ, chapitre 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. » Donc, c'est une recommandation de l'Éternel de ne pas s'enivrer, mais d'être plutôt rempli de l'Esprit Saint. La Bible condamne l'ivresse et ses effets. Proverbe chapitre 23, verset 29 à 35. On demande aussi aux chrétiens de ne pas permettre à leur corps d'être envahi par quoi que ce soit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Les Écritures saintes interdisent aussi à un chrétien de faire quoi que ce soit qui pourrait offenser d'autres chrétiens ou qui pourrait les encourager à pécher contre leur conscience. Je crois, à la lumière des Écritures, le Christ était formel quand il disait « Malheur par qui, celui par qui le scandale arrivera. » Donc, ne soyez pas une pierre d'achoppement les uns pour les autres. Si nous lisons les Écritures, dans 1 Corinthiens chapitre 8, nous allons chercher d'abord le passage dans notre Bible, selon les Écritures, comme notre émission s'intitule « Que dit la Bible ?» sur le fait de boire l'alcool ou le vin, nous allons voir que les Écritures sont formelles à ces sujets. Les Écritures sont formelles à ces sujets, si bien que la Bible condamne l'ivresse et ses effets. À la lumière de ces principes, ce serait extrêmement difficile pour n'importe quel chrétien de dire qu'ils boivent de l'alcool à la gloire de Dieu. Jésus a changé de l'eau en vin. Il semble même que Jésus a probablement bu du vin occasionnellement. Dans Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Dans Matthieu 26, chapitre 26, verset 29. Dans les temps du Nouveau Testament, l'eau n'était pas très propre. Sans les efforts d'assainissement moderne, l'eau était remplie de bactéries, de virus et de toutes sortes de polluants. Si nous prenons le contexte historique de cette époque où a vécu Christ, nous verrons que il n'y avait pas de régie qui s'occupait de l'entretien, effectivement, de l'eau, ni la fourniture de l'eau, d'après ce que nous sommes en train d'avoir comme infrastructure moderne de notre époque. C'est pareil dans la plupart des pays du tiers-monde aujourd'hui. En conséquence, les gens buvaient souvent du vin ou du jus de raisin parce qu'ils avaient probablement beaucoup moins de chances d'être contaminés. Dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 23, Paul conseillait à Timothée d'arrêter de boire de l'eau, ce qui causait probablement ses problèmes d'estomac, et de boire, au lieu de cela, du vin. Quand nous prenons étymologiquement le mot grec, le mot vin dans la Bible, le mot est utilisé simplement au quotidien pour le vin. À cette époque, le vin était fermenté, pas au degré qu'il l'est aujourd'hui. Alors, il est incorrect de dire que c'était du jus de raisin. D'autres peuvent prétendre que non, ce n'était que du jus. Mais il est aussi incorrect de dire que c'était la même chose que le vin que nous buvons aujourd'hui. Car ce que les gens de cette époque prenaient, ce n'était que des raisins fermentés. À nouveau, les Écritures saintes n'interdisent pas nécessairement aux chrétiens de boire de la bière, du vin ou une autre boisson contenant de l'alcool. L'alcool n'est pas marqué par le péché. C'est plutôt l'ivresse et le penchant pour l'alcool qu'un chrétien doit absolument éviter. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Nous avons, quand nous prenons Éphésiens chapitre 5, verset 18, il nous est recommandé de ne pas s'enivrer, mais d'être rempli de l'Esprit Saint. Alors, à la lumière des Écritures, quand nous partons dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12, il y a des principes dans la Bible cependant qui rendent extrêmement difficile de soutenir qu'un chrétien buvant de l'alcool en n'importe quelle quantité est agréable à Dieu. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie de principes, une vie de discipline. Les Écritures sont claires là-dessus. Donc, quand Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix, qu'il me suive. Donc, il est bien beau de dire qu'on suit le Christ, mais être un modèle à l'exemple de Christ, c'est cela la recommandation formelle du Christ. Nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12. 6, 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alors, nous sommes obligés de rester vraiment loin de l'alcool. Car l'alcool n'est pas utile à notre organisme, à notre vie, mais nous sommes appelés à vivre la sanctification qui est utile à notre salut. Bien-aimés, voilà un peu notre contribution à propos de ce que dit la Bible sur le fait de boire de l'alcool ou du vin. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, vous qui nous avez suivis aujourd'hui. Restez branchés sur cette chaîne, la radio ACKSA, la radio qui vous édifie. Que Dieu vous bénisse. Amen.